L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. Équipe de Haltech. À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. C'était l'Assemblée générale de la traversée internationale du lac Saint-Jean hier qui se déroulait. Et bonne nouvelle, on a annoncé un profit de plus de 53 000 $. L'augmentation du nombre de gens qui ont été hospités dans les rues, l'augmentation du nombre de boissons alcoolisées et la présence de Justin Trudeau a fait en sorte qu'on a augmenté et on a dégagé un surplus financier. Par ailleurs, le comité devra décider au cours des prochaines semaines s'il continue avec la FINA ou bien avec une autre association. C'était le repêchage hier de la Ligue senior du lac aux fleuves. Ça s'est déroulé hier et parlant au premier rang, au deuxième rang, c'est-à-dire Dolbeau-Mistassini a repêché Samuel Renault. En deuxième ronde, Jonquière a mis la main sur Jean-Simon Girard. Parlant troisième, en deuxième ronde, Brian Legault est devenue la priorité du multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini. La formation maintenant de Jonquet et de Dolbeau ont laissé passer leur choix de troisième ronde et en quatrième ronde, ils n'ont pas repêché également. Bob Desjardins devient également l'entraîneur-chef par intérim. Normalement, il devrait seulement être là pour le match de vendredi entre le MJR Express et également la formation du multiconcessionnaire à Jonquière. Bob Desjardins confie au quotidien qu'il s'attendait, il s'attend vraiment à avoir des CV pour diriger, des CV d'entraîneurs qui seraient intéressés à diriger le MGR et qu'après les fêtes, il devrait avoir un nouvel entraîneur-chef, celui qui va remplacer Gino Gagnon. Maintenant, également, on va vous parler du classement POC. Selon le site internet classementpoc.com, on retrouve les Hurricanes de Mascouche au Nouveau-Bantam au 50e rang, les Rapides de Dolbeau-Mistassini au 61e rang et les Ambassadeurs de Chibougamau au 76e rang. Niveau midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien est au 3e rang, les Ambassadeurs de Chibougamau au 32e rang et les Castors de Dolbeau au 76e rang. Et au niveau junior, les Épervilles de Normandin au 24e rang et les Sabres de Robertval. Maintenant au 43e rang. Je l'invite à écouter la section entrevue de danazosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Gilles Péloquin, le descripteur des matchs de la Ligue nord-américaine. On parle évidemment de la venue possible de Richard Martel en politique. Simon Tremblay vient nous parler également de Midipil, qui va venir nous parler de savoir si Richard Martel a réellement des chances de remporter la victoire, et également, vous pouvez écouter les autres entrevues dans la section entrevues de danradiosport.com. Le sport local et régional à danradiosport.com.